Darkness, Deathkilla, Association de Mixtapeurs Volume 2, Clodo qui schlingue, Doc c'est seringue, ma fou qui flingue, mais on s'en fringue, ado qui bringue, petit gang bang, dans un monde dingue où tout se déclenche. Une vie dans l'occasion, un journal local, les frères se calent, pour rien dans le bocal, pas ce qu'on sale, nous sommes gros sales, que des coups sales, des traites comme ça. Des flics ripoux, des balles perdues, des fils qu'on tue, des mères perdues, des pères pendus, des filles qui puent, des boules de puce sur des bêtes tendues. Juge corrompu, des tas de drames, cordon rompu, les fans nous condamnent, des larmes, du racisme, patron sans état d'âme. Président escroc, sarco, resto, le peuple à l'écro, putain macro, les jeunes sèchent l'école, se saoulent à la crosse, avant la pro, la merde qu'on a la peau. Oui, c'est ça, remords, accident de la route, mort, corps, remords, qu'à la déroute, attentat, corps, pompe dans les roues, règlement de compte comme à Beyrouth. Arme dans le coffre, regarde de trappe, mental à bloc, corps dans les caves, comme à Bangkok, trottoir, pétrave, mes plaies de cloche, chaîne esclave. Braquage et délire risqué, raquette à la sortie du lycée. Plaquette et dealer, piste et vol à la rage, improvisé, prise d'otage, journaliste visé, course poursuite, flic esquivé, cambriolage, carreau brisé, carambolage, fête brisée. Usine à la tâche, pas de trêve, maçon qui crache, cheminot en grève, intérim égrage, boulot de crève, bourgeois qui se gâte, pauvre qui crève, lèche cuillage, raté et crève, cabuleuse qui crache, sans corps de rêve, pédé de mer, lécheur de glaive, manque de cash, minon sans rêve, vendeur de hache, instant en rêve, prison cravate, marche ou crève, des nerfs qui lâchent, sans aucune aide, corps qui lâche, sur corps de rêve, pas du caprine s'exploser, putain vitrine exposée, bonbonne de clous déposée, HLMI superposé, chauffeur de bus léché, contrôleur qui joue les condés, rôdeur, pitbull lâché, nymphomane jamais comblé, fonctionnaire trop en l'heure, lèche-cul qui font les bandeurs, intérimaire trop bosseur, CDI interdit au beurre, galère pour un pot de beurre, loin des salaires de footballeur, les pauvres vivent dans l'horreur, et les riches promènent en roller. Ils interprètent des théories pour nous baisser à tout prix, tous nourris à la haine, on a le pouvoir d'achat sur la bouffe pourrie, on sera soumis seulement devant l'éternel, la France, quelle cause désert-elle, désire-t-elle nous voir déserter, déverser notre sueur pour la desservir sans jamais percer. Ils taxent la bouffe, la paye, les cycles, le shit, la schnouf, les passes de bouffe, plus tu brasses, tu payes. Alors qu'ils habitent gratuit des 300 mètres carrés, pendant que d'autres sont réduits plus bas que le pavé. C'est un don pour la recherche, un don pour la famine. D'abord ils s'en reversent, puis un peu pour les victimes. Des tas de promesses, des tas de tas de paroles dans leur meeting. Mais dites-moi ce qu'il en reste, ils ont le sale rôle. Mentir pour le pactole, pas de peu interdite, ils nous tuent à l'alcool. Plus de morts sur les routes, plus d'âmes en déroute, plus de corps qui écourtent leur vie dans les parcs et les halls. La France souteneuse de prévention douteuse, comme le fumet tue sur des cigarettes coûteuses. Des lois fouteuses de gueule, shooteuses de cerveau, couveuses de coups bas, ça pistonne les brouteuses. Ce qui doit arriver arrive, mais il faut en sorte que l'on soit du mauvais côté de la rive. Garo, bras, gros, sexta, macro, mafia, but exposé, vie facile, vie forcée. Toko qui a racheté ça, Costo qui se dessape, Clodo qui se patate, Mago dans l'appart, escroc en cravate. Sarko nous détraque, les cargos débarquent, des plaques de narco. Les douanes prennent une part du gâteau. Pédophiles libérés, innocents derrière les barreaux. Sur la presse, tire une drill, ils ont lessivé nos cerveaux. J'ai beau faire des efforts, me construire dans ce décor, mais tout porte à croire que demain c'est mort.